Genèse chapitre 15. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en disant, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta grande récompense. » Et Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu, je m'en vais sans laisser d'enfant après moi, et celui qui a le maniement de ma maison, c'est ce damné Eliézer. » Abraham dit aussi, « Voici, tu ne m'as point donné d'enfant, et voilà, le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, sera ton héritier. » Puis, l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, « Lève maintenant les yeux au ciel, et compte les étoiles, si tu les peux compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir du Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. » Et il dit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et il lui répondit, « Prends une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. » Il prit donc toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et mit chaque moitié vis-à-vis l'une de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et une volée d'oiseaux descendit sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et il arriva, comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache comme une chose certaine, que ta postérité habitera 400 ans, comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle sera asservie aux habitants du pays, et sera affligée. Mais aussi je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu t'en iras vers tes pères en paix, et seras enterré en bonne vieillesse. Et en la 4e génération ils retourneront. N't ici, car l'iniquité des Amoréens, n'est pas encore venu à son comble. » Il arriva aussi que le soleil étant couché, il y eut une obscurité toute noire, et voici un four fumant, et un brandon de feu qui passa entre ces choses qui avaient été partagées. En ce jour-là l'Éternel traita alliance avec Abraham, en disant, « J'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Éthiens, les Phérésiens, les Réphaïm, les Amoréens, les Chananéens, les Gergasiens, et les Jébusiens. »